Le docteur Roubinoff, de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Feuilleton en 5 épisodes. Une réalisation de Michel Sidorov. 4e épisode. Suite à sa formation aux méthodes d'interrogatoire intensif, Kalman, devenu le camarade Leonid Chertov, a intégré les services secrets soviétiques. Après la mort de Lénine en 1924 et la prise du pouvoir par Staline, dit « le grêlé », il a gravi peu à peu les échelons jusqu'à devoir interroger lui-même son ancien chef de brigade. Mais en 1941, alors que l'armée rouge, laminée par les grandes purges, était sens dessus-dessous, l'Allemagne a envahi l'URSS. Je ne m'étendrai pas davantage sur les divers événements qui survinrent au cours de cette terrible guerre, car c'est ce qui se produisit après qui devait avoir une véritable importance quant à la suite de mon récit. Sachez seulement que je passai une partie de la guerre à Leningrad, où je fus envoyé pendant le siège pour m'occuper d'une affaire touchant des écrivains gênants. L'hôpital militaire où j'avais été soigné, quand la ville s'appelait encore Petrograd, avait été presque complètement détruit par un raid aérien. Le plafond s'était effondré sur la grande salle où l'on m'avait mis après que le médecin eut sauvé mon bras. Les Allemands bombardaient la ville. Ils tentaient d'obtenir sa reddition en l'affamant. Et le seul moyen d'y accéder était la route que nous avions construite sur la glace épaisse du lac Ladoga, la « route de la vie », ainsi qu'on l'appelait. Les habitants avaient mangé tous les chiens et tous les chats. Il n'y avait plus un seul poulet, ni un seul cochon. Il n'y avait ni chauffage, ni électricité. La population allait au travail par un froid glacial. On mangeait du cuir et de la colle de charpentier. Des individus que la faim avait rendus fous mangeaient les cadavres des morts. Jamais, au cours de toutes mes années passées dans les régiments du Tsar, puis dans l'armée rouge, je n'avais eu aussi froid. Jamais je ne m'étais senti aussi démuni. On aurait dit que le soleil était mort et qu'on l'avait enseveli dans le sol saignant de la ville. J'avais l'impression d'être un habitant de la planète de la mort. Je quittais Leningrad, plein de remords de me sentir incapable d'y rester et de me rendre utile. Vers la fin de la guerre, un certain nombre de nos services furent chargés de déporter vers l'Asie centrale, la Sibérie et l'Arctique, des milliers d'habitants de Crimée et d'autres régions, au motif qu'ils avaient fait bon accueil à l'envahisseur allemand et collaboré avec lui. Les histoires que j'entendais raconter sur ces déportations étaient souvent déplaisantes, mais je n'étais pas directement impliqué dans ce travail. Je n'eus jamais non plus à m'occuper du petit groupe de juifs que Staline envoyait en Amérique en 1944 pour nous gagner les sympathies de riches juifs américains antifascistes et lever des fonds pour notre effort de guerre. Il avait été question de me confier la direction de l'équipe de sécurité chargée de les accompagner. Mais, en définitive, je fus envoyé à Tachkent pour résoudre un problème posé par des membres de l'élite intellectuelle. Ce fut une chance pour moi de n'être pas allé en Amérique. Car après la guerre, tous ceux qui avaient participé à cette mission furent arrêtés et exécutés. Quand la guerre prit fin, on organisa à Moscou un défilé de la victoire et une nuit de feux d'artifice. On vit des ivrognes titubés dans toute la ville et urinés sur les trottoirs. Pendant quelques jours, je bus moi aussi un peu plus que de raison, en compagnie d'une jolie russe qui ne cessait de s'extasier sur mon mobilier. Comme je lui disais que j'avais fabriqué beaucoup de ces meubles de mes propres mains, des chaises, les deux tables basses, elle me demanda si j'avais également fabriqué le lit. « Non, lui répondis-je, le lit date du temps des tsars. »« Bon, me dit-elle, reviens au lit. » La guerre était terminée, la patrie était un champ de ruines. Chaque centimètre carré de surface plate était gorgé de sang. Mais j'étais toujours en vie. J'avais 48 ans. C'est dans l'indifférence que j'assistais à l'arrestation des membres du comité antifasciste juif qui était allé en Amérique. De quoi les accusait-on ? D'être devenus des agents sionistes rémunérés par les services secrets américains. De chercher à affaiblir la patrie et de vouloir instaurer une république juive autonome en Crimée, d'où ils pourraient être une menace pour le cœur même de l'État. Finalement, la quasi-totalité du comité fut jetée en prison. Des écrivains, des poètes, des acteurs, des musiciens, des journalistes, des compositeurs. Et on trouva toutes les preuves nécessaires pour les enfermer. On arrêta même l'épouse juive de notre ministre des Affaires étrangères pour avoir parlé en yiddish avec Golda Meir, ministre des Affaires étrangères d'Israël, et on l'expédia dans un camp d'Asie centrale. Il semblait que le patron était repris par sa vieille méfiance des influences étrangères qui corrompaient la patrie et entamaient son autorité. Pour moi, cela signifiait seulement un surcroît de travail. La virulente campagne de presse menée par la Pravda, Trud, les Izvestia et autres journaux contre les cosmopolites sans racines et les traîtres de l'intérieur ne m'inquiéta pas davantage. Certes, quelques douzaines de juifs appartenant à nos services furent discrètement transférés en province pour y effectuer un travail de police. Mais je n'étais pas concerné. D'ailleurs, le général Razumkov, qui venait d'obtenir une promotion, m'avait dit que personne n'avait à se plaindre de moi, qu'on était satisfait de mon travail et que je n'avais aucun souci à me faire. Je continuais donc à me lever chaque matin, à prendre mon petit déjeuner et à me rendre à mon bureau pour faire ce que je faisais depuis des années, l'interrogatoire des prévenus. Et cela dura jusqu'au jour où l'on commença à arrêter des médecins pour les interroger. Au début de novembre 1952, le général Razumkov me remit un dossier en disant « Il paraît que le patron aurait reçu une lettre concernant les médecins du Kremlin et qu'il s'apprête à liquider toute la direction. Il s'agit pour nous d'une affaire qui va soit nous valoir une belle promotion, soit nous couler complètement. Interroge ce docteur Koryavin pour qu'il te donne les noms de ses complices. Et surtout, écoute-moi bien. Nous sommes pressés. Il faut que tout soit réglé rapidement. » Le docteur Koryavin était un homme d'environ 70 ans, massif et de taille moyenne. Il avait des cheveux argentés, un grand front lisse, des yeux gris pensifs et une aimable figure ronde. Il arriva dans mon bureau vêtu d'un costume marron et d'une chemise blanche, sans la moindre lueur d'inquiétude dans le regard. « Je suis le colonel Leonid Chertov. Je suis chargé de l'enquête vous concernant. » Camarade colonel, je suis prêt à répondre sincèrement à toutes les questions que vous me poserez. Dans ce cas, nous allons très bien nous entendre. Asseyez-vous, je vous prie. Il prit une chaise. Il est indiqué ici que vous êtes à la retraite. C'est exact. Alors pourquoi êtes-vous allé récemment à la clinique du Kremlin ? J'avais été consulté sur une question de la plus haute importance. Et quelle était cette question ? Elle avait trait à la santé du camarade Staline. Qui vous a fait appeler ? Il me donna le nom d'un médecin dont je connaissais la réputation. Comment se fait-il qu'un médecin en activité, aussi renommé, ait éprouvé le besoin de s'entretenir de cette question avec vous, qui êtes à la retraite ? Parce que jusqu'à ma retraite, il y a 2 ans, j'étais le meilleur spécialiste de cette maladie dans notre pays. De quelle maladie s'agit-il ? À l'instant même où je posais cette question, je regrettais de ne pas avoir tenu ma langue. Une curiosité instinctive, une erreur de jugement. Mais le docteur Koryavin me répondit sans hésitation, comme s'il brûlait de mettre d'autres personnes au courant du diagnostic. Le camarade Staline souffre de psychose maniaco-dépressive, aggravée par de l'hypertension et de l'artériosclérose du cerveau. Le médecin restait assis, sans bouger, m'observant de ses yeux gris. « Je ne cherche pas à vous pousser au suicide, » dit-il calmement. « Si vous ne vouliez pas que je réponde, il ne fallait pas me poser la question. »« Très bien. Mais puisque vous répondez si volontiers à mes questions, dites-moi qui, parmi les médecins du Kremlin, participe au complot visant à assassiner les dirigeants de notre pays ?» Il perdit un instant son flegme. Pardon ? Qui, parmi les médecins du Kremlin, conspire pour assassiner nos dirigeants en cherchant à leur faire suivre des traitements inadaptés ? Il pinça les lèvres tout en continuant à me regarder. « C'est donc de ça qu'il s'agit ?» dit-il enfin en secouant la tête. « Maintenant je comprends. Il est absolument diabolique. Je vous mets en garde encore une fois. Soyez prudent dans ce que vous dites. Oh, je suis très prudent, camarade colonel. Je suis médecin. Je suis toujours prudent dans mes paroles. Diabolique, ai-je dit. Et diabolique est ce que j'ai voulu dire. C'est donc ainsi qu'il va finalement résoudre son problème juif. Vous êtes juif, m'étonnai-je en jetant un coup d'œil sur son dossier. Je suis de nationalité russe, répondit-il en posant sur moi un regard aigu. Et vous ? Je ne suis pas juif, je suis communiste. Ah tiens, tant mieux pour vous. Sinon, je vous aurais demandé ce que vous faisiez ici. Il y a beaucoup de juifs ici. Vraiment. Beaucoup. Plus pour longtemps. Il avait réussi, je ne sais comment, à me déstabiliser totalement. C'était moi qui répondais à ses questions. Quelle habileté. Je commençais à avoir mal à la tête et des picotements dans le bras gauche. Ça suffit, dis-je en me levant. Vous allez rester ici un moment pour réfléchir à ma question. Nous continuerons à mon retour. Je ne suis plus jeune et j'aurai bientôt besoin d'aller aux toilettes, dit-il doucement. Restez ici et réfléchissez. Je veux les noms de tout le groupe. Les arrestations de médecins juifs, commencées au début de l'été, pendant le procès du comité antifasciste juif, prenaient maintenant les proportions d'une marée. Chaque nuit, presque, nos agents procédaient à des interpellations, surtout des juifs et quelques russes. Éberlués, terrifiés, ils essayaient de conserver un semblant de dignité, ces seigneurs de la médecine, peu accoutumés à être traités de la sorte. Chirurgiens, généralistes, neurologue, pédiatre, ophtalmologue, pathologiste, psychiatre, urologue, laryngologiste. L'information nous était venue d'en haut. Ces médecins juifs étaient des assassins en blouse blanche. Ils tuaient leurs patients sur la table d'opération ou les empoisonnaient avec des médicaments. Ils avaient même réussi à enrôler des médecins russes dans leur complot. Notre prison se peuplait de grands noms de la médecine soviétique. Le patron voulait des aveux, un procès. Dans l'ascenseur qui me ramenait à mon bureau, je me demandais qui s'occupait désormais des patients de tous ces médecins incarcérés. J'étais fatigué, en sueur. Mon bras gauche me lançait. J'avais les doigts glacés, comme vidés de leur sang. En rentrant dans la pièce, je trouvais le médecin, toujours assis sur sa chaise, l'air un peu las. Je renvoyais le gardien. Il faisait chaud. J'ôtai mon veston, desserrai ma cravate et m'assis sur le bord de la table. « Eh bien, dis-je, il faut que j'aille aux toilettes, dit-il doucement. Il faut que j'obtienne une réponse à ma question. Je ne vous aiderai pas à fabriquer un complot. D'une manière ou d'une autre, vous signerez des aveux et nous donnerez des noms. Je préférerais ne pas vous soumettre à nos diverses méthodes de persuasion. Vous avez une femme, des enfants et des petits-enfants. Votre refus de coopérer retombera lourdement, non seulement sur vous, mais aussi sur eux. Je vais maintenant vous laisser aller aux toilettes. Puis, vous retournerez dans votre cellule pour continuer à réfléchir. Camarade colonel, je crois que vous êtes malade. Comment ? Vous avez les yeux fiévreux. Vous devez avoir de la température. Camarade docteur prisonnier Koryavine, allez donc aux toilettes. Je sonnai les gardiens qui vinrent aussitôt le chercher. Une fois seul, je restai encore un moment à travailler dans mon bureau, après quoi je rentrai chez moi sous une neige qui tombait en abondance. Je dînai sans appétit et passai une mauvaise nuit. Mais dès 9 heures, le lendemain matin, j'étais à mon bureau. Après avoir parcouru les journaux, j'ouvris mon coffre-fort pour y prendre mes documents. Jetai un coup d'œil sur la liste des arrestations, posai le dossier du docteur Koryavine sur ma table, devant moi. et demandai qu'on m'amène le prisonnier. Je fis signe au gardien de sortir. Le docteur s'assit bien droit, l'air serein. Un russe inquiet de l'antisémitisme qui me mettait en garde. Étrange. Il n'était pas rasé. Il avait l'air fatigué. N'était pas la joie dans nos cellules. Avant la Révolution, sa famille faisait peut-être partie de l'aristocratie. Aujourd'hui, il était un ennemi, honni. Il fallait en finir rapidement. « Bonjour. J'espère qu'on ne vous a pas trop maltraité dans notre hôtel. J'ai habité et mangé dans de pires endroits. Sa voix s'était affaiblie. Elle était sèche, enrouée. La chaleur qui régnait dans les cellules produisait parfois cet effet. Mais il avait l'œil brillant et une physionomie où se lisait toujours une grande générosité. Nous allons maintenant reprendre notre entretien. Comme je vous l'ai dit hier, camarade colonel, je répondrai sincèrement à toutes vos questions, je n'ai rien à cacher. Alors c'est parfait. Dites-moi si vous connaissez ces personnes. Je lui présentai une liste de noms de médecins. Il les connaissait presque tous professionnellement, et quelques-uns à titre privé. N'est-il pas vrai que ces personnes et vous étiez impliqués dans un complot pour assassiner nos dirigeants en leur administrant des substances pharmaceutiques inappropriées? J'ai pour tâche de guérir, pas de tuer. Je laisse ça aux militaires, à la police et aux hommes politiques. Je vous conseille de cesser de parler ainsi. Sinon, ça finira mal pour vous. Je ne m'attends aucunement à ce que tout cela finisse bien pour moi. Vous avez une famille. Camarade colonel, si vous voulez que je vous dise la vérité, je n'ai pas envie que mes enfants grandissent dans ce pays. Maintenant que j'ai compris ce qui va arriver, je me rends compte que ce pays n'a rien à leur offrir. Vous ne vous souciez pas de la santé et de la sécurité de vos propres enfants et petits-enfants? Qui donc a l'esprit malade? Êtes-vous en train de me dire que vous pouvez vous porter garant de leur santé et de leur sécurité? Au reste, pourquoi devrais-je vouloir pour eux la santé et la sécurité? Pour que dans 20 ans, l'un de mes petits-enfants puisse venir s'asseoir là où je suis assis et vivre ce que je suis en train de vivre? Je sortis ma matraque d'un tiroir de mon bureau et la pris dans ma main droite. Il la regarda avec attention. Je vais frapper plusieurs fois sur la table en vous menaçant, dis-je à mi-voix. Criez très fort à chaque fois. Il me considéra, stupéfait. Criez fort, dis-je entre mes dents. Il hocha la tête, les yeux écarquillés. Je frappai sur mon bureau à plusieurs reprises et il se mit à crier. Vous avouerez, « sauvez votre peau et celle de votre famille, et avouez » hurlai-je. Je recommençai à donner des coups sur la table. Il était tout rouge. La stupeur et l'amusement se lisaient sur ses lèvres et dans ses yeux. Une douleur fulgurante, juste au-dessus des yeux, m'immobilisa. Je fis un pas en arrière et me laissai tomber dans mon fauteuil. « Imaginez-vous que c'est sur votre chair que je frappe, » dis-je après un instant. Tandis que mon bras gauche se contractait. Retournez dans votre cellule et pensez à ce que cela donnera sur vos bras et sur vos jambes. Les gardiens vinrent le chercher. J'ajoutai quelques notes à son dossier et fermai les yeux. Le soir, après avoir mangé sans appétit, j'allai au théâtre avec une femme. Mais je rentrai seul chez moi peu après. Je dormis d'un sommeil peuplé de mauvais rêves, dont aucun ne me laissa un souvenir net à mon réveil. Je fis venir le médecin dans une salle d'interrogatoire particulièrement sinistre. Il semblait là et moins sûr de lui. Il avait le teint jaune et son regard gris était perdu dans le vague. « Docteur Koryavin, dis-je, les préliminaires sont terminés. Avec tout mon respect, camarade colonel, pour vous, ils ne font que commencer. Donnez-moi les noms. « Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de groupe. Cet homme est vieux et malade. Il voit des complots partout. Il refuse de prendre les médicaments qu'on lui a prescrits. Les noms !»« Je vous dis qu'il n'y a pas de nom. Il est paranoïaque. Avec un traitement, il pourrait vivre encore 2 ou 3 ans. Sans, qui peut savoir. Écoutez-moi, vous êtes médecin. J'ai un grand respect pour les médecins. et je n'ai pas envie de lever la main sur vous. Mais vous ne me laissez pas le choix. Et je vous suis reconnaissant. Vous me donnez un peu d'espoir pour notre pays. Pensez à ceci, s'il vous plaît. Il a récemment mobilisé toute la médecine soviétique pour tenter de guérir son hypertension. Ensuite, il a fait arrêter ses meilleurs médecins. Dites-moi, est-ce là le comportement d'une personne saine d'esprit ? Assez ! D'où vous vient cette cicatrice ? Comment ? Il regardait mon bras. J'avais ôté mon veston et retroussé mes manches de chemise. C'est une vieille blessure de guerre, la première guerre. L'avez-vous exposée au soleil récemment ? Oui. Je vais vous donner un conseil de médecin. N'exposez jamais trop longtemps au soleil une vieille blessure comme celle-ci. Sur mon bras solide, où les veines ressortaient, la cicatrice dessinait une chaîne de petites collines blanches et roses d'une quinzaine de centimètres de long et large par endroits de plus d'un centimètre. Vous avez eu beaucoup de chance de ne pas perdre votre bras. À la guerre, il est parfois plus commode d'amputer un bras que de prendre le temps de le soigner. C'est un médecin du nom de Roubinov qui m'a soigné. Roubinov ? Pavel Roubinov. Tiens, le chirurgien de la main ? Vous le connaissez ? Évidemment. Je lui ai adressé des patients pendant des années. Il doit sûrement se trouver dans l'une de vos cellules. J'écarquillai les yeux. Il a soigné le bras du camarade Staline. Au bout d'un long moment, je finis par dire « Bon, vous allez crier et hurler, comme vous l'avez fait hier. D'accord ?» Peu après, je regagnai mon bureau pour relire les listes d'arrestation des jours précédents que j'avais parcouru trop rapidement, et j'y trouvais son nom, Pavel Roubinov. C'était le colonel Roudenko, un homme méthodique et sans pitié qui était chargé de l'interroger. Avec lui, pas question de faire semblant. Ma tête me lançait. En regardant ma main gauche, je vis avec inquiétude que mes doigts tremblaient, et je rentrais chez moi. Le lendemain matin, je me rendis à l'infirmerie du ministère. Le médecin qui m'examina déclara que j'avais la grippe. Une grippe légère. 2 jours, 3 peut-être. Prenez de l'aspirine, rentrez chez vous et dormez. 4 jours après, je n'étais toujours pas guéri. Mais je repris mon travail. Et le lendemain, je retournai à l'infirmerie. Le médecin qui m'avait reçu la fois précédente n'était pas là. Et ce fut un autre qui m'examina. Puis il me posa quelques questions. Vous avez sans doute attrapé quelque chose pendant vos vacances. Un virus de la mer Noire, conclut-il, et il me donna des cachets. Ce même jour, le prisonnier médecin Koryavin passa pour la première fois à la chaîne. Je ne pouvais absolument rien faire pour l'empêcher. Dans une pièce voisine, le colonel Roudenko interrogeait le prisonnier médecin Pavel Roubinov, qui, lui, n'en était pas encore arrivé au stade de la chaîne. C'était le docteur Roubinov de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. 4e épisode. Avec Nicolas Struve, Léon Chertoff. Découpage, Catel Guillou. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidoroff.